Selon des informations, An Jong-bom, le premier collaborateur de Bakounine, et Lee Sung-an, ancien secrétaire général de la fondation MIR, qui est chassé par Bakounine, ont révélé que Bakounine est complètement lié avec les vices et corruptions des fondations MIR et Kaspor. Et Kim Moo-sung, ancien représentant du Parti pour un nouveau monde, objet de la vengeance de Bakounine et des officiels de la Maison Bleue, révèle l'un après l'autre les rapports intimes entre Bakounine et Choi Soon-sil. Par ailleurs, selon le journal sud-coréen Une Nation du 3 novembre, est révélé un fait que Choi Soon-sil a sorti l'argent comptant de la Banque nationale pendant 31 heures depuis sa disparition à l'aide du parquet de l'aéroport d'Incheon jusqu'à son apparition au parquet. Selon le résultat de l'enquête du 1er au 3 novembre d'un organisme de sondage, presque 100% des interrogés ont estimé Bakounine négatif. Bakounine est dans la pire crise et ses collaborateurs tournent le dos. Le 4 novembre, selon des informations de Séoul, la cote de popularité de Bakounine est de 5%, c'est le chiffre jamais connu.